Voici votre bulletin régional pour le 8 décembre. Le souper mensuel de fin volard et jambon des chevaliers Calon Distinguis aura lieu le 9 décembre à 17h30. C'est pour tous. Le 10 décembre, de 13h30 à 19h30, se tiendra à la salle Guy Veilleux de Courchire une collecte de sang.